Cinquième partie, chapitre 3 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 3. Examen de l'âme sur son avancement en la vie dévote. Le second point de cet exercice est un peu long, et je vous conseille de ne le prendre que par partie, selon l'ordre que je leur ai donné ici. Il n'est pas nécessaire d'être à genoux, sinon au commencement, pour vous présenter à Dieu, et à la fin qui en comprend les affections. Vous pouvez même, dans les autres parties de cet examen, le faire utilement en vous promenant, et encore plus utilement au lit, si vous y pouvez être quelque temps sans vous assoupir. Mais il faut pour cela les avoir bien lus auparavant. Il faut néanmoins faire tout ce qui est de ce second point en 3 jours et 2 nuits pour le plus, prenant de chaque jour et de chaque nuit quelque heure, je veux dire quelque temps, selon que vous le pourrez. Car si cet exercice ne se faisait qu'en des temps fort éloignés les uns des autres, il perdrait sa force et ne ferait sur vous que de faibles impressions. Après chaque partie de l'examen, vous remarquerez bien vos défauts, soit pour vous en confesser et pour prendre conseil, soit pour former vos résolutions et fortifier votre esprit. Bien qu'il ne faille pas absolument vous dégager tout à fait des conversations ordinaires, durant ces jours-là ni les autres, retirez-vous cependant un peu plus tôt le soir, afin que vous couchant de meilleure heure, vous puissiez prendre tout le repos du corps et de l'esprit qui est nécessaire à la considération. Et durant le jour, faites de fréquentes aspirations à Dieu, à Notre-Dame, aux anges, à toute la Jérusalem céleste, mais faites-le d'un cœur plein de l'amour de Dieu et du désir de votre perfection. Pour commencer donc cet examen, petit 1, mettez-vous en la présence de Dieu. Petit 2, demandez les lumières du Saint-Esprit comme saint Augustin qui s'écriait devant Dieu en esprit d'humilité « Ô Seigneur, que je vous connaisse et que je me connaisse !» Dites avec saint François « Qui êtes-vous, ô mon Dieu, et qui suis-je » Protestez que vous ne voulez pas remarquer votre avancement pour vous en réjouir en vous-même et pour vous en glorifier, mais pour vous en réjouir en Dieu, l'en glorifier et l'en remercier. Protestez encore que si, comme vous le croyez, vous trouvez que vous avez peu avancé ou même reculé, vous ne voulez nullement vous laisser abattre ni décourager, et qu'au contraire, vous prétendez vous animer à mieux faire, en tâchant de réparer vos défauts avec la grâce de Dieu. Après cela, examinez tranquillement quelle a été votre conduite envers Dieu, envers le prochain et à l'égard de vous-même. Fin du chapitre 3, cinquième partie.